Vous êtes à l'écoute du territoire. Un territoire comme un terrain de jeu comprend des règles, dites et non dites. Des équipes se forment, des buts s'érigent et le cœur se met de la partie. Le sport, pour les membres de la communauté queer, c'est à la fois un espace d'épanouissement et un privilège inaccessible. De vieilles règles sociales en dictent encore trop souvent le caractère masculiniste. Pour combattre la violence et l'exclusion qui en découle, MJ Desiel a décidé de prendre les choses en main et a créé Juke FC, une ligue de soccer queer, une ligue pour tous, dont Ophélia Poisson-Vecchio relate les origines. Au départ, ils sont quelques-uns à échanger sur les lignes de côté. Et puis tranquillement, d'autres voix s'ajoutent au brouhaha et une équipe se forme. Enchantée. Enchantée. MJ, ben oui. Ouais, toi? Ok, j'arrive. Je suis soit en blanc, soit en noir. Il est 18h au Parc Saint-Michel. Certaines personnes rient, parlent fort. D'autres sont ici pour la première fois et attendent patiemment le début de la pratique. Tous ne se connaissent pas, mais une fois le coup d'envoi donné, la gêne tombe et tous et toutes se mêlent pour l'amour du soccer. Ce groupe de personnes, aussi hétérogène soit-il, est relié par un objectif commun: bâtir un environnement sécuritaire pour les personnes queer. Le monde du sport est souvent un endroit pour se défouler ou être soi-même. Mais pour plusieurs personnes issues de la communauté LGBTQ+, cet espace leur est hostile. L'homosexualité dans le monde du sport est un tabou, encore aujourd'hui, et de s'assumer dans un monde hétéronormatif peut être épuisant. La division des athlètes en deux catégories, soit hommes ou femmes, peut elle aussi poser problème. Toutes les personnes qui ne se situent dans aucune de ces catégories sont alors écartées. MJ Desiel, l'instigatrice de la Ligue, est subjuguée par la quantité de témoignages qui lui ont été partagés dans les derniers mois. Ben, on a des témoignages à chaque match, là. Vraiment, c'est ça, je pense, qui nous drive le plus à continuer puis à mettre autant d'énergie dans la ligue. C'est des témoignages après témoignages, là, à quel point justement ça a changé leur vie. Je peux pas te décrire, mettons, sur quel niveau, mais c'est plus aussi le fait que c'est comme un rassemblement. Je me sens tellement bien quand je vais là-bas. T'sais, j'ai hâte au mercredi parce que je sais que j'ai mes journées de soccer puis que je vais avec du monde que j'aime puis tout. Puis c'est comme un sentiment d'appartenance à quelque chose. Chelsea Guérin s'est jointe à la Ligue dès sa création en juillet 2022. Sa passion pour le soccer a été mise sur pause après une mauvaise expérience dans une ligue mixte. Puis ce qui s'est passé souvent, pourquoi j'ai quitté mon équipe mixte, c'est parce qu'on jouait avec des gars que... ils avaient du mal à accepter de jouer avec les filles. Donc, eux, il fallait que tu te prouves à eux avant, comme, pour qu'ils puissent comme, jouer avec toi comme ils jouent avec les autres. Se joindre à la Ligue signifie plus qu'un espace pour jouer au soccer. C'est une communauté à laquelle s'identifier et une manière de tisser des liens. J'ai eu le sentiment de faire partie de la communauté. C'est un sentiment que j'ai jamais eu depuis que j'ai fait mon coming out. Marjorie Côté a 32 ans et est enseignante au primaire. Lorsqu'elle s'est jointe à la Ligue, elle vivait une période difficile. Ce rendez-vous hebdomadaire avec des personnes accueillantes l'a aidée à passer à travers ces moments éprouvants. C'était vraiment très, très difficile pour moi de m'identifier à la communauté. J'ai essayé de participer à certains clubs de lecture, des groupes comme ça. Puis, alors non, le sentiment n'était pas là. Je me sentais pas comme si je faisais partie de la communauté. Je me sentais super différente. Puis qu'est-ce qui a changé, c'est que justement, comme en faisant partie de cette équipe-là, c'est difficile à décrire. C'est juste une vague d'amour puis de comme on te comprend. On sait qu'est-ce que tu vis. That's fine. T'sais. Le sport est un domaine qui trop souvent se base sur la binarité de genre pour catégoriser les gens. Il y a les équipes féminines, masculines et les équipes mixtes. Mais même les équipes mixtes requièrent un certain nombre de femmes et un certain nombre d'hommes. Tu sais, je veux dire, les personnes trans et personnes non binaires, tu les mets où? Dans des ligues hétéronormatives. Il n'y en a pas de place. Ou d'autres genres de microagressions, c'est comme OK, dans une ligue mixte, par exemple, c'est seulement deux filles pour une équipe de gars, puis les deux filles, souvent, on s'en fout de ton nom. On a juste besoin que tu viennes remplir un spot. C'est une fille sur le terrain, puis comme, dès que ça commence à être un peu compétitif, on te la passe pas, la balle, tu comprends? C'est comme, t'es vraiment juste là pour remplir un espace, si tu veux. Fait que c'est pas nécessairement intéressant non plus. Fait qu'il est là le besoin de cette ligue-là. Puis moi, juste de voir qu'il y a 300 personnes qui se sont inscrites, ben ça mind-blow. Et cet engouement témoigne du besoin criant chez les athlètes queer d'avoir un espace sécuritaire pour s'entraîner. Pour l'étudiante en sexologie et bachelière en action culturelle Thaï Lafontaine-Denis, cette ligue est importante puisque la communauté queer s'octroie une place dans la sphère publique. Je pense que dans la vie en général, les gens ils ont peur de perdre leur place. Puis on dirait que je vois beaucoup ça dans l'hétéronormativité. Puis oh, tu sais, pourtant, je veux dire, la place est là pour tout le monde. Mais c'est le fait aussi que c'est souvent les gens marginalisés qui vont se faire le plus insulter puis qui vont le plus déranger parce qu'on ne veut pas les voir. Ce que Thaï décrit, c'est la peur de l'inconnu, la peur de l'autre. Se faire dérober sa place par une personne qui ne nous ressemble pas. Il serait pourtant si simple de se concentrer sur les facettes qui nous unissent plutôt que sur celles qui nous divisent. Les personnes qui se rassemblent sur ce terrain ont un point en commun, et c'est l'amour du soccer. Alors pourquoi ne pas s'ouvrir à l'autre et partager l'espace? Puis vu qu'on prend la place là, sur un terrain à 6h30 après la game des gars, ben là, ça commence comme ça. Puis éventuellement, ça va grandir, puis là, on va prendre la place un peu partout. Puis c'est pas une place qu'on vient dérober à personne. C'est une place qu'on avait déjà dans le temps, c'est juste qu'on n'avait pas le droit de le dire. On n'avait pas le droit de s'exprimer là-dessus. On n'avait pas le droit de dire comme, OK, mais moi, je défends cette communauté-là puis ce joueur-là, qu'au final, on s'en fout avec qui couche, tu sais, ou on s'en fout qu'est-ce qu'il fait chez eux. Lui, il vient performer son sport. Prendre la place, être visible, normaliser les identités queer. Voilà ce que souhaitent accomplir MJ et les membres de cette nouvelle ligue. Parce qu'encore en 2022, occuper l'espace et affirmer son identité vient avec son lot de violence. Cette idée de démarrer une ligue queer découle en fait d'un acte de violence qu'a subi Emma alors qu'elle accompagnait sa copine MJ à son match de soccer. Une bonne partie de l'équipe féminine a été témoin de l'agression et cet acte de violence leur a ouvert les yeux quant à la haine qui persiste envers la communauté LGBTQ+. Moi, je jouais dans une équipe de soccer préalablement là, pendant 2 ou 3 ans. Puis, il est arrivé un incident assez traumatisant, je te dirais, en mars dernier. Tu sais, je veux dire, on a été victimes, ma copine et moi, d'actes de violence comme vraiment, tu sais, très homophobe, misogyne, par quelqu'un qu'on connaissait pas, en fait, là, au bord du terrain de soccer où on jouait, là, à la Chine, au Soccerplex. Puis, s'en est suivi une série d'événements un peu, tu sais, plus traumatisantes les uns que les autres, là, pour vrai. Basically, at the Soccerplex, there's like a restaurant. When I was there, like I was there with MJ, and then I kind of like seen this like guy looking at me, and like I seen those kinds of looks before from people, from men specifically at bars, like, and I just like, okay, fuck, like I know I'm just gonna try to avoid talking to this guy, and he had like said. Emma reconnaît tout de suite le genre de regard qui lui est lancé par l'homme. Elle décide donc de se déplacer de manière à éviter d'interagir avec lui. I immediately was like, knew I was uncomfortable with this guy's presence just because of the way he was looking at me. So I like moved to a further part of the bar. And he was just like still staring at me and he comes over and I was just like, I was already just looking down at my phone because I was kind of prepared for that. And he starts asking me questions like if I like come here often or whatever. And I was like, no, I'm just here to like watch my girlfriend play soccer. And then he was like, that's like, oh, so like you're a lesbian. And I was like, my sexuality is none of your business. And he was like, oh, okay, that's a shame. And then he was like, well, can I have your number? And I was like... Dès le début de leur échange, Emma est inconfortable par sa présence. Elle lui précise être venue voir le match de sa copine, mais il lui demande tout de même son numéro de téléphone après avoir commenté sur son apparence et sa sexualité. Emma se lève pour quitter le restaurant et c'est à ce moment que l'homme en profite pour lui lancer des insultes homophobes. And then so obviously we went back to the soccer game and it's like queer people, women, like people who the story would really resonate with. everyone kind of, we told the story to everybody and everyone was kind of like feeling heated about it, because obviously it's like, damn, like why is this happening here when we're supposed to be having this like quote unquote safe space to like play our sport. C'est plus particulièrement le manque d'humanité qui émanait de ses propos qui a heurté Emma. Après le match, toujours habitée par les insultes homophobes qui leur ont été larguées, MJ et Emma, accompagnées d'une partie de l'équipe de soccer, se dirigent vers le restaurant pour lui parler. Yeah, so, like, legally, I don't know how many details I can go into because this is a court case now, but essentially, at that point, we had returned to the restaurant to confront him. And that's what we did. And this, like, the restaurant was full of people. We were with the coaches of MJ's soccer league at the time. And we were kind of getting everyone involved. And at that point, it got more heated. And he was starting to say a lot of homophobic slurs. And it escalated and it became like a violent physical attack, and it was like the most, you know, violent thing I've ever experienced in my life, and it was like really traumatizing for like myself and for everybody around me and everybody that experienced the situation. And like luckily there were a lot of people there that night, and like they called the police right away and they like kept him in there so he couldn't like run. Les insultes homophobes reprennent de plus belle, et cette fois, l'homme s'en prend physiquement à Emma, qui doit maintenant se rendre à l'hôpital pour obtenir des points de suture à la tête. But then that night, I had to go to the hospital, and like, you know, MJ was sticking with me the whole time, staying there for hours. Had to get stitches in my head. Like, after that, the aftermath, it's like the impact on like mental health has been like ongoing. Like I still experience like PTSD from that moment. Like there's like so many things you have to do. You have to go in therapy, you have to like take care of yourself, and then you have like, this is a new trauma that you have to live with, you know. And ces actes de violence physique et verbale ont eu d'importantes répercussions sur sa santé mentale. Emma est maintenant aux prises avec un syndrome de stress post-traumatique et consulte pour tenter de passer à travers le traumatisme qu'elle a vécu. L'événement a forcé l'équipe à prendre un pas de recul et à se demander comment peut-on s'assurer d'évoluer dans un milieu sain. L'équipe féminine a donc demandé à la Ligue d'organiser un séminaire concernant la discrimination, et la réponse qu'elles ont obtenue a été très décevante. Si on veut prendre ça de façon positive, cet événement-là, ben faisons-nous un check-in, puis parlons de ces enjeux-là pour être un petit peu plus, comment dire, conscient des réalités qui occupent notre club, tu sais. Il y a eu un refus total, en fait, d'embarquer là-dedans, du fait qu'ils voulaient pas se positionner, dans le sens qu'on voulait pas être politique, on joue juste au soccer. Ça, c'est les réponses qui ont été, qu'on nous a données, en fait. Donc, c'est sûr que ça a créé beaucoup d'émoi, surtout dans l'équipe de filles. Aux yeux d'MJ, ce n'est pas compliqué. Si tu ne te positionnes pas contre, alors tu es pour ce type de violence. Et pour l'ensemble de l'équipe, le message perçu était qu'elle ne comptait pas vraiment. Violence-là et tout ça, mais ça a été d'autant plus violent de savoir que les gens qu'on pensait, je veux dire, qu'on avait du respect ou qui de notre club, ben, refusent de faire ce séminaire-là, qui, à mon sens, à moi, est très normal, là, en fait. Là. C'est pas une grosse demande. Ben, it cuts deeper. C'est un peu le portrait d'une société aussi, là, de façon microscopique, si tu veux, là. Fait qu'un moment donné, j'ai décidé de poster un truc sur Instagram en disant, comme, je me cherche une équipe queer, là, tu sais, une vingtaine de personnes, je veux juste jouer au soccer, tu sais, à the end of the day, parce que moi, j'ai quitté le club. J'étais comme, moi, ces valeurs-là ne me collent plus à la peau. If you're not with me, you're against me, là-dedans, tu sais, dans le sens que dans ces enjeux-là, politiques ou sociaux, c'est comme, pour moi, t'as pas de zone grise. En 2022, faut que tu te positionnes un moment donné, tu sais. Fait que c'est statu quo. Plusieurs de ses abonnés lui ont répondu qu'ils cherchaient eux aussi une équipe queer, et c'est l'un d'entre eux qui lui a proposé « Et pourquoi ne pas partir ta propre ligue? » Et cette proposition n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Écoute, on a eu 100, 150 noms, 180, 200, on est rendu à 300 inscriptions. Fait que j'étais comme « OK, c'est un besoin. » Puis c'est comme, on a commencé à jouer, puis il y a de plus en plus de gens qui ont commencé à venir sur le terrain, puis on était comme, OK, là, on est rendu avec une ligue complète, tu sais. Fait que là, on va comment... La communauté s'est ralliée autour du projet et s'est affairée pour assurer son succès. Réseaux sociaux, images de marque, organisation des parties, c'est le dévouement des membres de la communauté queer qui a permis à la Ligue de prendre une ampleur qui a dépassé toutes les attentes. Un endroit pour jouer, pour rencontrer des gens, pour prendre de la place. Un endroit où les gradins sont aussi essentiels que les joueurs. Un endroit pour courir, kicker, pousser, rire, crier, exister. Un endroit où aller quand les autres endroits ne te font pas. Un endroit où jouer pour la première ou la énième fois. Un endroit où tracer nos propres lignes, nos propres règles, notre histoire pour l'amour du sport et de l'identité queer. Le 5 octobre dernier, c'est avec fierté que MJ et les organisatrices du mouvement Soccer for Queers ont annoncé le nouveau nom de la ligue, le Duke FC, lors de son lancement officiel. Puis je pense qu'en parlant aussi avec plusieurs personnes qui jouent les mercredis ici, je pense qu'on a vécu un peu des situations similaires. On parle des microagressions, des choses comme ça, puis il y a toute une raison pourquoi finalement on se regroupe le mercredi, puis pourquoi ça devient autant nécessaire et pourquoi il y a autant de monde qui ont pull-up, puis pourquoi ça nous a un peu pris par surprise, toute cette espèce de mouvement-là. C'est sûr que nous, ben à la base, on cherchait à se starter une petite équipe, puis finalement, ça l'a tourné en belle, grosse ligue super nécessaire. C'est sûr que on est en train de l'organiser tranquillement, pas vite, puis c'est vraiment community-based, dans le fond, tu sais, je veux dire, on n'a aucun skills, on n'a jamais organisé ça, nous, une ligue ou quoi que ce soit, donc ça fait du bien de savoir qu'on a le back de chacun, puis que vous êtes très indulgents avec nous, puis que vous faites partie du mouvement to the core, tu sais, la première saison, donc c'est le début vraiment de quelque chose de plus grand que nous. Fait que vraiment, ça, c'est très healing, cette équipe, cette ligue-là, en fait. Faire partie d'une communauté qui t'accepte pour la personne que tu es a une importance incommensurable, selon Ty Lafontaine-Denis, puisque c'est lorsque le masque social tombe que ces athlètes peuvent réellement s'épanouir dans leur sport. Ça peut tout apporter. Parce que dans le fond, tu entres dans une organisation qui t'accepte pour peu importe t'es qui, puis peu importe l'étiquette que toi tu décides de te mettre. Parce que souvent, quand tu rentres dans une équipe ou dans une organisation ou dans un travail, les gens vont te regarder, puis là, ils vont te mettre une étiquette dans leur tête. « Ah, cette personne-là, elle a l'air d'avoir des seins. Ah, c'est une fille. Bonjour, madame. » Tu sais, je pense que dans l'initiative que MJ a partie en ce moment, t'as plus cette pression-là de comme « Quelle étiquette cette personne-là va me donner? » T'arrives là, puis tu le sais que souvent, on va te demander « Hey, tu t'identifies comment? Est-ce que je te dis elle? Est-ce que je te dis lui? Est-ce que je te dis elle? » Tu sais, ça va être tellement... Même que c'est probablement overwhelming pour les gens que ça leur est jamais arrivé d'arriver dans une équipe queer puis de faire comme « Oh my God, OK, ils me demandent comment moi je m'identifie puis comment moi je me sens. » Ça doit tellement être libérateur de juste faire comme « OK, là, je peux jouer à 100% de mes capacités parce que je suis 100% moi-même. » Et selon Taille, se conformer à l'hétéronormativité peut aller jusqu'à brimer le développement des athlètes. Parce que je me dis, ça doit aussi affecter les performances sportives de toujours devoir cacher une partie de toi, tu sais. Mais là, t'arrives dans une équipe que, eux, c'est la normalité, là. Pour eux, c'est pas quelque chose de difficile de te demander c'est quoi tes pronoms. Mais pour quelqu'un que c'est un struggle constant, son identité, puis qui fait de la dysphorie, souvent, par rapport à ses attraits ou par rapport à ce qu'il vit dans la vie en général, puis que là, quelqu'un t'accueille avec ouverture puis te demande « Hey, t'es qui toi puis comment tu te représentes? » Mais ça veut tout dire, tu sais. Puis là, c'est là que tu peux tomber encore plus en amour avec le sport que tu fais. All right. Ensuite, l'exercice suivant, ça s'appelle « Dynamic L ». Ça veut dire qu'on va se mettre en position de la lettre « L ». Comme ça, avec le pied vers l'avant. Si c'est un peu trop difficile, vous pouvez... Le bon fonctionnement de la Ligue repose sur l'implication de gens passionnés et dévoués. All right, maintenant sur les tiptoes, OK? Let's go! Ha, ou Coach Ha, fait partie de ces gens qui offrent de son temps tous les mercredis soirs puisque l'initiative lui tient à cœur. En plus d'occuper le poste d'experte en singerie au Duke FC, comme elle l'explique le sourire aux lèvres, Ha fait son doctorat sur le mouvement boycott, désinvestissement et sanctions, avec un focus sur le boycottage sportif. Selon elle, le sport reflète les inégalités sociales et est indissociable du politique. Le sport, à la base, le sport moderne dans l'histoire, ça a été tout le temps associé à des idéologies fascistes, mais aussi masculinistes, nationalistes. Puis quand tu regardes à travers l'histoire, bien, en fait, ça a toujours été associé à l'impérialisme britannique ou français. Genre, les Britanniques utilisaient le soccer pour promouvoir le projet colonial. Même chose avec les Français au Maghreb. Puis spécifiquement aussi, genre, le sport a été utilisé comme un moyen de cultiver l'homme nouveau. Donc déjà, il y a comme un projet très genré, mais il y a un seul genre qui compte. C'est toujours l'homme hétérosexuel, cisnormé. Ha a de la difficulté à faire confiance aux institutions qui, historiquement, ont priorisé les hommes dans le domaine sportif. Elle souligne les efforts de dépolitisation du sport, mais il ne faut pas non plus fermer les yeux quant aux discriminations qui persistent dans ce milieu. Puis même récemment, tu as regardé les Jeux olympiques à Tokyo, Laura Hubbard, qui était comme une athlète, une hétérophile trans néo-zélandaise, à cause de cet aspect spectaculaire du sport avec la télévision, les médias sociaux, tout ça. Ça comme amplifie la haine contre les personnes trans, les personnes non binaires. C'est comme, OK, est-ce que je peux faire confiance aux institutions? Est-ce qu'on a une place ici, en fait? Puis c'est pour ça que j'ai rejoint Soccer for Queers, parce que c'est une place où je me sens en sécurité. Puis on rebâtit les liens communautaires entre les gens. C'est après de longues années de pandémie, d'isolement. Puis c'est là où on peut se rassembler dans un milieu sain, où on se sent comme si on appartient, en fait. Yes! Le terrain de soccer du Parc Saint-Michel est réservé par le Duke FC dès 18h. Chaque mercredi soir, les membres de la Ligue sont confrontés à la même situation. Quelques jeunes garçons jouent sur le terrain et ne cèdent pas leur place à l'arrivée du Duke FC. Il est 18h passé, les membres de la Ligue discutent sur les lignes de côté et les jeunes garçons occupent toujours l'espace. Vers 18h15, c'en est assez, quelques joueuses les abordent comme à chaque semaine. Ah, vous avez déjà donné 15? Il est 15. Mais vous les avez prévenus d'avance? On leur donne un 5, genre? Ouais. Toi, on est fin, là, tu sais. Ouais, on peut aussi, genre, prendre possession de notre espace, là. Exactement. Ouais. Mais tu sais, on pourrait leur dire. Ah, regarde, ils viennent de finir leur jeu, là. Ouais. Les jeunes résistent un peu, argumentent, puis finissent, à contre-cœur, par laisser la place à la trentaine de joueurs et joueuses, non pas sans remarque désobligeante. Un regroupement de lesbiennes au Parc Saint-Michel. Voilà à quoi est réduit le Duke FC. Une ligue qui s'efforce pourtant d'offrir un espace sécuritaire à ses joueurs, déplore MJ Desiel. Je peux comprendre l'irritabilité de se faire tasser d'un terrain. Bon. Fait que c'est sûr que, tu sais, les événements qui sont arrivés, c'est avec des jeunes garçons, là, de probablement genre 15-16 ans. Ils sont pas fully developed, puis leur seule, comme, arme de défense, c'est de t'insulter, tu sais. Fait que c'est sûr que je peux comprendre que c'est jamais le fun si t'occupes un terrain de te faire tasser. Mais après ça, je trouve que ça résume quand même bien le côté où on n'a jamais aucun espace qui est complètement safe. Puis après ça, ben nous, quand on termine à 8 heures, il y a une équipe de gars qui embarque une ligue de garage, là, de bureau, tu sais. Puis moi, je me suis dit, mais pourquoi nous, on a droit à ce genre de commentaires-là? Pourquoi ces petits gars-là, mettons 15-16 ans, embarquent pas sur le terrain à 8 heures, puis disent à ces messieurs-là de quitter le terrain, tu sais. C'est là où moi, ça m'écœure un peu, parce que tu vois qu'il y a un traitement différent, puis c'est facile de dire « hostie, lesbienne » sur le terrain, tu sais. Ça vient tout de suite attaquer l'orientation sexuelle, ça vient... c'est empreint de misogynie, tu sais. C'est que c'est des filles qui vont sur le terrain, on s'est fait débarquer par des filles, ou genre... Puis Mais par exemple, quand c'est des messieurs qui embarquent sur le terrain, ben là, tout d'un coup, ben, oh, on va aller, il est 8 heures, on va aller se coucher, on va rentrer chez nous, tu sais. Malgré le travail qui reste à faire, prendre la place dans l'espace public permet à la communauté queer d'être visible aux yeux de tous, souligne Ty Lafontaine-Denis. Puis si, ben là, cette équipe-là, à chaque fois qu'ils finissaient leur game, eux, ils avaient leur terrain à eux pour comme être ensemble puis vivre leur vie. Puis là, ben là, il y a d'autres personnes qui arrivent sur leur, en grande parenthèse, territoire. Ben c'est toujours intimidant, tu sais. Puis la première réaction, souvent, ça va être ça, la grande barrière, puis la grande pride, puis je te connais pas trop, puis je veux pas apprendre à te connaître parce que là, tu marches sur un terrain que moi, je suis familier. Puis souvent, qu'est-ce qui est poche, c'est que les gens vont utiliser justement un caractère ou une culture ou quelque chose qui sort du lot pour pointer du doigt les gens marginalisés pour leur dire « Hey, finalement, ta place est pas là ». Mais là, on commence tellement à être beaucoup qu'au final, ça n'attaque plus personne. Parce que peut-être que même dans ton groupe de gars qui est là, qui joue à 6h30, ben, y a des gens qui s'identifient comme ça, t'sais. Fait que c'est pour ça que... Peu importe la raison de se joindre à la Ligue, que ce soit pour socialiser, pour se sentir considéré ou simplement pour jouer, chaque joueur est accueilli à bras ouverts pour la personne qu'il est. Non, ton kick, c'était un but, hein? Moi, je l'ai vu. Ah oui, ah oui! 100%, c'était un but. C'était bien trop beau, là, ça n'a pas rapport. Cette ligue vient non seulement répondre à un besoin d'espace qui est inclusif, mais aussi à un besoin d'affiliation. Puisqu'au Duke FC, c'est à travers le soccer qu'une multitude d'identités se rencontrent et tisse des liens. Tout le côté anxiogène que j'avais dans mon équipe avant, je ne l'ai pas en venant jouer ici. Il n'y en a pas de jugement. Tout le monde est là pour la même raison. Tout le monde est là pour le fun. Il n'y a pas quelqu'un qui veut que ça soit plus discipliné, d'autres qui sont là juste pour le plaisir. C'est tout le monde est là pour les mêmes raisons, puis tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est vraiment un game changer, honnêtement. Genre, ça me manque pas du tout. Je m'ennuie zéro de mon ancienne ligue. Les membres de la ligue ont à présent la certitude que leur terrain de jeu est un espace sans jugement. Un endroit qu'ils pourront considérer comme leur chez-soi, en attendant que cet espace sécuritaire s'étale plus loin que les lignes de touche. C'était Une Ligue pour tous, un reportage d'Ophélia Poisson-Vecchio, avec l'assistance de Renaud Chicoine-McKenzie. Notre musique originale est composée par Hugo Méran, à l'écoute du territoire est co-réalisée par moi-même, Renaud Chicoine-McKenzie et Paul Fontaine. Nous remercions pour leur soutien financier la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et l'Association des étudiants et étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Nous vous donnons aussi rendez-vous samedi prochain à 8h sur les ondes de CISM 89.3 pour être de nouveau à l'écoute du territoire.